Analyse du 6 août 2023 par Thierry Pirlo, Sharpawan. Coup d'État au Niger, putsch ou libération? C'est une question de point de vue, bien sûr. Celui des forces en présence, mais aussi et surtout celui de l'observateur, selon qu'il soit normie ou complotiste. De ce fait, il y a tous ceux qui voient un affreux putsch au Niger. 1. La France, sans blague. 2. L'UE, sans blague. 3. Les USA, sans blague. 4. La CDAO, inféodée aux Occidentaux. CDAO pour Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 5. Le Nigeria, dont le président est le boss de la CDAO. En 6. Tout pays africain inféodé aux Occidentaux, avec à leur tête un dictateur placé par eux. En 7. Les normies, les provax et les pro-Ukraine. Et il y a tous ceux qui y voient une libération du Niger. 1. Les Nigériens eux-mêmes. 2. Les Russes. 3. Les Chinois. 4. Les BRICS. 5. Le Mali. 6. Le Burkina Faso. Et en 7. Tous les complotistes anti-vax et pro-russes. La CDAO est furax, évidemment, et demande aux putschistes la libération immédiate du dictateur mis en place par les Français. Nous vous mettrons plusieurs liens en descriptif. En 2023, la CDAO compte 15 membres de plein droit. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo-Verde, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, où est installé le siège de l'organisation, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. De ces 15 pays, 3 sont déjà en train de se libérer de l'emprise de l'Occident en dégageant les Français. Ce sont le Mali, le Burkina et le Niger. Pour le Burkina, un homme sort du lot, le capitaine Ibrahim Traoré, président et potentiellement le futur libérateur de l'Afrique. Traoré est probablement le digne successeur de Thomas Sankara ou même de Kadhafi qui voulait, avant que les Français ne le suppriment, imposer une monnaie africaine. Le Nigeria, quant à lui, a le cul entre deux chaises. C'est à la fois le boss de la CDAO et un colosse au pied d'argile, sa population étant plus importante et son armée sous-équipée, il se montre de plus en plus ouvert à des partenariats avec la Russie et la Chine. Le Nigeria demande néanmoins aux putschistes du Niger de lâcher l'affaire, sauf qu'il est incapable de le leur imposer par la force vu l'état de son armée, sans compter le fait que le Niger et Nigeria sont des ethnies très proches et donc frères de tribu et probablement incapables de se battre entre eux. À la veille de la fin de l'ultimatum, la CDAO continue d'assurer qu'elle privilégie la voie diplomatique pour résoudre la crise au Niger, notamment avec l'envoi d'une délégation à Niamey. L'option militaire est la dernière sur la table selon elle, mais puisque nous en sommes déjà au deuxième ultimatum, il est clair qu'elle fait montre de faiblesse par son incapacité à monter rapidement une opération armée. Alors pourquoi la CDAO n'intervient-elle pas militairement au Niger? Le Niger et son putschiste Tiani ont fait appel au protectorat de la Russie. Du coup, la milice Wagner est présente, en force, avec de nombreux soldats professionnels qui feraient un carnage si la CDAO, dont les soldats sont bien moins aguerris, décidait d'une invasion militaire. Wagner pour les Russes est l'équivalent de l'ex-Blackwater des Américains. Ce sont des milices privées qui sont officiellement des mercenaires non concernés par les lois de la guerre, mais qui, dans la réalité, sont des officines de Moscou pour Wagner et de la CIA pour la défunte Blackwater et engagées pour faire la sale besogne. Actuellement, la Russie travaille de concert avec ses milices Wagner dans plusieurs pays d'Afrique, tout comme le faisait, ne soyons pas naïfs, la France avec sa légion étrangère, chère à Canon, loyale et pas chère, également largement déployée en Afrique. Du moins, avant que Macron ne détruise la France et son armée, actuellement réduite à peau de chagrin et donc incapable de régler le problème, ni au Mali, ni au Niger, et j'ai même envie de dire, ni en France et à Paris, dans les cités. Cependant, la milice Wagner d'Afrique est beaucoup plus professionnelle que celle en Ukraine, dont le gros des troupes est certes encadré par des pros, mais constitué en grande partie de repris de justice ayant fait le choix de se battre pour le pays. Prigojine, qui est le patron de Wagner Ukraine, n'est pas à mon avis le chef d'orchestre de Wagner Monde. Le big boss ne peut être autre que Poutine. Les Français et les Américains ont tous deux 1 500 militaires sur place, mais ces derniers ne devraient pas tarder à lever le camp, faute d'une logistique suffisante et d'une réelle capacité à soutenir un conflit armé avec l'armée nigérienne, d'autant plus si elle reçoit l'appui de la milice Wagner. Il faut avoir en tête que le Niger et le Nigeria sont tous deux pro-BRICS. Cela laisse augurer une catastrophe imminente pour l'Occident et surtout la France, puisque le Niger, c'est 22 millions d'habitants, pour 1 200 000 km², dont les principales richesses sont l'agriculture et l'uranium, le tout contrôlé par la France. Le Nigeria, c'est 230 millions d'habitants, pour 920 000 km², riche en pétrole et avec une immense population corvéable à merci, le tout sous domination anglaise. Il faut aussi se rappeler qu'après l'embargo appliqué par de nombreux États occidentaux, le Nigeria s'est tourné principalement vers la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Inde pour l'acquisition de son armement. Qu'en est-il des bases américaines en Afrique ? Le camp américain Le Monnier de Djibouti, qui est jusqu'à présent la plus grande base en Afrique, pourrait bientôt être supplanté par un important site militaire américain à Agadez, au Niger. Il s'agit d'une base de drones dont la seule construction va coûter 100 millions de dollars. Sans blague, nous y voilà. Les Ricains avaient donc prévu de s'installer au Niger, lequel dégage les Français en ce moment, tout en se tournant vers la Russie, comme le fait également Nigeria. Alors, l'Afrique et les BRICS. Force est de constater que les pays d'Afrique se reprennent en main les uns après les autres, sans dépendre de qui que ce soit, et certains se déclarent candidats pour rejoindre les BRICS. Ils font désormais confiance aux Russes et aux Chinois, à la base des BRICS, pour mettre en place une coopération économique et non subir le pillage en règle de leurs richesses, comme c'est le cas depuis des décades avec les Français et les Ricains, par l'intermédiaire des dictateurs qu'ils ont installés au pouvoir. La Belgique a lâché ses colonies dans les années 60, mais les Français et les Anglais n'ont jamais cessé d'étendre leur influence en Afrique grâce à l'appui des USA et de la CIA. Pire encore, non content de piller toujours plus les richesses minières de ces pays, uranium, cuivre, diamant, or, terres rares, etc., la France continue à imposer le franc CFA sous couvert de lutte antiterroriste pour certains pays africains, qui est en réalité une taxe féodale dissimulée au profit de la France, soi-disant en compensation du coût de la modernité apportée à ses colonies. Écoutez la chanson de Michel Sardou, Le temps des colonies. On pense encore à toi, ô Bwana. Seulement, les colonies, c'est terminé. Finito. L'Afrique se reprend en main. Vous lirez l'article en description sur les 14 pays africains dans le franc CFA néo-colonialiste. Ce que peu de gens savent, français y compris, c'est qu'une grande partie de son économie est totalement dépendante de ces pays africains et de ce franc CFA, sans compter les richesses minières et l'uranium du Niger, que le gouvernement français paie une misère à ce pays. Si la France se faisait dégager de l'Afrique, elle risquerait bel et bien de quitter le peloton de tête des pays les plus riches pour se retrouver très loin en arrière, cela malgré sa possession de l'arme nucléaire. Cela étant, la langue française tirerait malgré tout son épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que le français est parlé dans des zones du monde à la démographie très dynamique, comme l'Afrique subsaharienne et serait parlée dans quelques décennies par pas moins de 750 millions de personnes. Résultat, le français serait la langue la plus parlée au monde à l'horizon 2050. D'où l'importance pour la France de ne rien vouloir céder aux Africains. Mais c'est peine perdue, il est déjà trop tard. Et cela me rend très heureux, car je le vois arriver depuis des années grâce à ma lecture très personnelle de la géopolitique version QAnon. Et je suis encore plus heureux pour les Africains dont le rêve bientôt ne sera plus de venir vivre ici, hormis pour y faire du tourisme, car lorsqu'ils auront acquis liberté et indépendance, ils n'auront plus besoin de nous pour moderniser leur pays. Les BRICS sont la création de l'Alliance et de sa branche militaire. Poutine, Xi Jinping, Modi et Trump travaillent ensemble pour un monde multipolaire dans lequel chaque pays d'Afrique aura bientôt la place qui lui revient. Et ce n'est qu'un juste retour des choses. Sharpawan.